Chapitre 15e, Camp Meeting. Ce fut dans le courant de cet été qu'après l'avoir longtemps désiré, je trouvai enfin l'occasion d'assister à un camp meeting. Un Anglais et sa femme, qui s'y rendaient, m'offrirent dans leur voiture une place, que j'acceptai avec empressement. La scène devait se passer dans un lieu sauvage et écarté sur les confins de l'État d'Indiana. La perspective de passer une nuit dans les sombres forêts d'Indiana n'était assurément pas attrayante, mais je m'armai de tout mon courage et je partis, fermement déterminé à voir de mes yeux et entendre de mes oreilles ce que c'était réellement qu'un camp meeting. On m'avait dit qu'assister à un camp meeting, c'était se trouver sur la porte du ciel et le voir ouvert devant soi. On m'avait dit, d'un autre côté, que c'était avoir franchi les portes de l'enfer et en contempler toutes les horreurs. Ce double renseignement avait piqué ma curiosité. Dans les deux cas, ce devait être un spectacle extraordinaire et qui me promettait une suffisante compensation aux fatigues d'une longue course et à une nuit passée sans dormir à la belle étoile. Nous atteignîmes le lieu de la scène à 11 heures du soir et le spectacle le plus pittoresque se présenta à nos regards. Le terrain qu'on avait choisi était situé au milieu d'une forêt vierge. C'était une clairière d'environ 20 acres d'étendue, qui semblait, du moins en partie, avoir été ménagée pour cette cérémonie. Tout autour et le long des bords de la forêt s'élevaient, pressées les unes contre les autres, des tentes de diverses grandeurs. Derrière ces tentes, un autre cercle était formé par les voitures et les charrettes de toute espèce qui avaient amené les spectateurs. Et derrière ces charrettes étaient attachés les chevaux qui les avaient traînés. À travers cette triple barrière défensive, notre œil distinguait les grands feux qui étaient allumés dans l'enceinte. À la clarté de ces feux se joignaient celles d'innombrables lampions suspendus aux branches de quelques arbres qu'on avait laissés subsister dans la clairière. La lune, arrivée au point le plus élevé de sa course, brillait du haut du ciel sur cette vaste scène. Nous laissâmes la voiture aux soins d'un domestique qui devait y préparer un lit pour Mrs. B. et moi, et nous entrâmes dans l'enceinte. Au premier coup d'œil, ces arbres illuminés et ces groupes se promenant sous leur feuillage me rappelèrent le Vauxhall, mais le second me révéla une scène qui ne ressemblait à aucune chose que j'eusse vue dans ma vie. 4 échafaudages gigantesques, construits en forme d'hôtel, s'élevaient aux 4 coins de l'enceinte. Ils étaient recouverts d'une couche épaisse de terre, sur laquelle brûlaient d'immenses feux de bois de pin. Sur un des côtés, on voyait une informe estrade préparée pour recevoir les prédicateurs. Il n'y en avait 15 à la tête de ce meeting. Sauf les courts intervalles réservés pour les repas et les actes de dévotion privés, ils se succédaient sans interruption sur cette estrade et y prêchaient jour et nuit depuis le mardi jusqu'au samedi. Lorsque nous arrivâmes, les prédicateurs se taisaient. Mais de toutes les tentes qui environnaient la place, s'échappaient des sons confus, mélange bizarre de prières, de déclamations, de chants et de gémissements. Les draperies blanches qui servaient de porte à ces tentes étaient en ce moment fermées, et la lumière qui en éclairait l'intérieur les dessinait comme de pâles fantômes sur le fond sombre de la forêt. C'était un spectacle d'une mystérieuse beauté pour l'imagination, et si les sons qui l'animaient eussent été moins étranges et moins discordants, j'en aurais vivement joui. Malheureusement, je m'arrêtai pour écouter, à l'angle d'une tente plus bruyante que les autres, et peu d'instants suffirent pour dissiper les illusions naissantes de mon imagination et me rappeler à des réalités d'une nature trop prononcée pour permettre ou la méprise ou l'oubli. Un grand nombre de personnes se promenaient comme nous dans l'enceinte et comme nous aussi semblaient n'être venues là que pour voir. Quelques-unes s'étaient arrêtées près de cette tente et il s'en trouva qui poussèrent l'indiscrétion jusqu'à entrouvrir la toile à l'un des angles. Et grâce à leur curiosité, la nôtre fut satisfaite, et nous pûmes voir parfaitement tout ce qui se passait dans l'intérieur. Le sol de la tente était jonché de paille, relevé tout autour en couches plus épaisses, de manière à former comme un divan circulaire où l'on pût s'asseoir. Mais ce divan n'était point en ce moment consacré à cet usage. Il soutenait les bras et les têtes d'un cercle pressé d'hommes et de femmes agenouillés sur le sol. D'une 30aine de personnes ainsi placées, une 12aine peut-être étaient des hommes. Un de ces derniers, beau garçon de 18 à 20 ans, était précisément agenouillé au-dessous de l'ouverture par laquelle nous regardions. Son bras était passé autour du cou d'une jeune fille à genoux à côté de lui, la chevelure éparse sur ses épaules et le visage agité de la plus vive émotion. Nous les vîmes bientôt tomber ensemble sur la paille, comme s'ils eussent été incapables de supporter dans une autre attitude la brûlante éloquence d'une grande figure habillée en noir qui, debout au centre de la tente, débitait avec une incroyable véhémence un discours qui semblait tenir le milieu entre la prédication et la prière. Les bras de cet homme pendaient raides et immobiles à ses côtés, et il avait l'air d'un automate mal construit, mis en action par un moteur si violent qu'il courait risque d'en être brisé, tant les mots étaient chassés de sa bouche par secousses pénibles et cependant rapides. Le cercle agenouillé ne cessait d'invoquer le nom de Jésus sur tous les tons, et ses invocations étaient accompagnées de sanglots, de gémissements et d'une sorte de hurlement sourd dont l'effet sur l'oreille était inexprimable. Cependant, mon attention ne s'arrêta pas longtemps sur le prêcheur et sur ceux qui l'environnaient. Elle fut bientôt entièrement absorbée par une figure isolée qui était à genoux au milieu de la tente. C'était la vivante image du MacBriar de Walter Scott, aussi jeune, aussi sauvage, aussi terrible. Ses bras amaigris, nus jusqu'aux coudes, étaient étendus au-dessus de sa tête avec tant de violence qu'ils sortaient des manches de son habit. Ses larges yeux étaient fixes et glacés. Ce singulier personnage répétait dans un moment de relâche le mot « gloire », et c'était avec une véhémence qui gonflait ses veines de manière à les rompre. Ce spectacle était trop affreux. Nous ne pûmes le supporter longtemps et nous nous éloignâmes en frémissant. Nous fîmes le tour des tentes en nous arrêtant près de celles d'où partaient des sons plus bizarres ou plus violents. Nous réussîmes à entrevoir ce qui se passait dans plusieurs. C'était partout la même scène. Tout était garni d'un lit de paille, et les horribles figures, assises, agenouillées ou couchées, et poussant des cris convulsifs qu'elles renfermaient, leur donnaient à toutes l'air d'autant de cellules de bedlam. Une de ces tentes était exclusivement remplie de nègres. Ils étaient tous en habit de fête et avaient parfaitement l'air de gens qui jouent la comédie sur un théâtre. Une femme portait une robe de gaze rose, garnie d'une dentelle d'argent. Une autre était en robe de soie jaune pâle. Deux avaient de magnifiques turbans sur la tête. Toutes étaient couvertes d'une profusion d'ornements. Les hommes étaient en pantalon blanc avec des gilets de couleur. Un de ces derniers, jeune homme fort agréable dans son espèce, débitait un discours avec les gestes les plus outrés, s'élançant de terre de temps en temps et frappant des mains par-dessus sa tête. Si une société de missionnaires eussent entendu les belles choses qu'il adressait à Dieu en guise de prière, peut-être aurait-elle douté que sa conversion eût éclairé son esprit. Cependant, minuit arriva. Le son du cor retentit dans le camp, et l'on nous apprit que c'était le signal qui rappelait le troupeau des fidèles autour de l'estrade. En effet, nous les vîmes sortir des tentes et accourir de tous les côtés. Nous réussîmes, ma compagne et moi, à nous placer au pied même de l'estrade, le dos appuyé contre les pièces de bois qui la soutenaient. Nous étions en bonne position pour bien voir la scène qui allait suivre, sans aucun danger personnel. Environ 2000 personnes composaient l'assistance. Un des prédicateurs commença d'une voix basse et nasillarde. Il débuta, selon l'usage des méthodistes, par s'étendre sur la dépravation profonde de l'homme quand il sort des mains du Créateur et sur sa parfaite sanctification quand il a assez longtemps et assez vigoureusement lutté avec le Seigneur pour s'emparer de lui, etc., etc. Les cris « Amen, Amen, Jésus, Jésus, gloire, gloire » exprimaient à chaque instant l'admiration de l'auditoire. Mais cette tranquillité comparative ne fut pas de longue durée. Bientôt le prédicateur, poursuivant son discours, leur apprit que le temps était venu pour les pécheurs inquiets de lutter avec le Seigneur, que cette lutte devait avoir lieu cette nuit même, que lui et ses frères étaient là pour les aider, et qu'il fallait que ceux qui avaient besoin de leur secours s'avançassent dans le pen. Ces phrases rappellent ces vers de Milton, « Blind mouth that scares themselves how to hold a sheep hook, or have learned aught else, the least, that not the faithful herdsman art belongs. But when their list, their lean and flashy songs, grate on their scant pipes of wretched straw, The hungry sheep look up and are not fed, but swollen with wind and the rank mist they draw, rot inwardly and full contagion spread. Bouche muette, à peine savent-ils tenir une houlette, c'est tout ce qu'ils ont appris de l'art des bergers fidèles. Aussi, lorsqu'ils tirent de leurs mauvais pipeaux de paille grossière des champs rauques, maigres et discordants, voyez-vous leurs troupeaux affamés les regarder sans pouvoir se repaître. Les pauvres animaux n'aspirent que le vent. Un brouillard fétide remplit seul leurs entrailles, qui paraissent renfermer tous les symptômes de la contagion. Le pen était l'espace qui s'étendait au pied de l'estrade. Nous pûmes donc voir et entendre jusqu'au moindre détail de cette scène étrange. Au mot de pen, la masse d'auditeurs qui était devant nous recula de manière à laisser un espace libre au pied de l'estrade. Les prédicateurs descendirent et vinrent se placer au milieu de cet espace, chantant un hymne et appelant à eux les pêcheurs. Tout en chantant, ils parcouraient le cercle qui les entourait, et par degrés, les voix de cette multitude se marièrent à la leur. Ce fut le seul moment où cette scène religieuse me présenta quelque chose de cette beauté solennelle qu'on m'avait annoncée. Cette multitude de voix s'élevant harmonieusement, au milieu de la nuit et du sein de ces éternelles forêts. Ces visages de jeunes femmes rendus plus pâles et plus beaux par les rayons de la lune, ces sombres figures des prêtres s'agitant au milieu du cercle, et ces obscures clartés jetées dans les profondeurs de la forêt par la flamme des bûchers, produisaient un effet sublime et mystérieux qui ne s'effacera point de ma mémoire. Mais au moment même où je commençais à en jouir, la scène changea de nature et le sentiment religieux que j'éprouvais fit place à l'horreur et au dégoût. L'exhortation des prêtres n'avait guère été que la répétition de ce que j'avais entendu au revival, mais l'effet fut tout différent. Au lieu d'un petit nombre de femmes, je vis plus de 100 personnes, presque toutes femmes aussi, s'avancer vers le pen, poussant des gémissements si affreux que je tremble encore d'y penser. Elles semblaient se pousser mutuellement en avant, mais au mot « prions » prononcé par le prêtre, toutes tombèrent sur les genoux. Cependant, elles quittèrent bientôt cette posture pour d'autres, qui laissassent plus de liberté aux mouvements convulsifs de leurs membres, et bientôt, je n'eus plus sous les yeux qu'une horrible confusion de têtes et de jambes s'agitant pêle-mêle sur le sol. Telle était la violence de ces mouvements que je craignais à chaque instant quelque accident sérieux. Mais comment décrire les sons qui sortaient de cet amas confus de créatures humaines? Aucun mot de la langue ne saurait les rendre. Hoquets hystériques, sanglots convulsifs, sourds gémissements, cris inarticulés, aigus, rapides, tout se confondait et se distinguait pourtant dans ce bruit affreux. J'étais malade d'horreur, et comme si la voix ne leur eût pas suffi pour exprimer leur agitation, le bruit des mains violemment frappées l'une contre l'autre ne tarda pas à s'y joindre. J'avais sous les yeux la scène décrite par le Dante. Quivi sospiri, pianti ed altigui, risonavan per l'aire, horribili favole, parole di dolore, accenti di ira, voci alte e flocche, e suon di malinconelle. Beaucoup de ces malheureuses créatures étaient de jeunes et belles filles. Les prêtres circulaient au milieu d'elles, excitant tour à tour et adoucissant leur agonie. J'entendais les mots « Ma sœur, ma chère sœur » murmurer à l'oreille de ces malheureuses victimes. Je voyais des lèvres perfides toucher leur visage. Je distinguais les paroles à peine articulées de leur confession et la rougeur que produisaient sur leurs joues pâles les consolations à voix basse de leur bourreau. Homme, je n'aurais pu me contenir, je serais intervenu. Il n'existe pas un Anglais qui fut capable de supporter patiemment une telle scène. Sa main obéirait à son indignation et frapperait les coupables en attendant que la loi leur infligeât la punition plus sévère qu'ils méritent. Les pénitentes ne s'en tenaient pas toutes aux gémissements inarticulés et à la confession à voix basse. Les paroles de quelques-unes se détachaient de temps en temps sur cette basse confuse en phrases sonores et distinctes, et alors le comique le disputait à l'horrible. Les plaintes d'une très jolie fille, agenouillée devant nous dans l'attitude de la Madeleine de Canova, attirèrent principalement mon attention. Après avoir débité une quantité incroyable de jargon méthodiste, elle fondit en larmes et s'écria « Anathème, anathème sur les apostats. Écoute, écoute, ô Jésus, lorsque j'avais 15 ans, ma mère mourut, et j'apostasiais. Ô Jésus, j'apostasiais. Réunis-moi, ma mère, ô Jésus, réunis-moi, ma mère. car je suis fatigué. Oh, John Mitchell, John Mitchell !» Et après avoir sangloté dans ses mains, elle montra de nouveau sa figure charmante, pâle comme la mort. « Oh, quand serais-je assis sur le rivage de l'autre monde avec ma mère, ma chère mère ! Oh, Jésus, réunis-moi à ma mère !» Qui aurait pu refuser une larme à ce désir passionné de la mort dans une créature si jeune et si belle ? Mais le lendemain, avant mon départ, je la vis, la main entrelacée dans la main, et la tête appuyée sur la poitrine d'un homme qu'on aurait pris pour Don Juan, renvoyé sur terre comme un être d'une trop méchante nature pour vivre avec les démons eux-mêmes. Une autre femme, placée aussi près de nous, ne cessa pas une minute, pendant plus de 2 heures, que nous fûmes là, d'appeler le Seigneur de toutes les forces de ses poumons. À la fin, elle s'enroua horriblement, et sa figure devint si tendue et si rouge que nous nous attendions à la rupture de quelques vaisseaux. « Je veux m'attacher à Jésus !» s'écriait-elle parmi beaucoup d'autres folies. « Je veux me cramponner à lui et ne jamais le lâcher. Ils auront beau vouloir m'entraîner en enfer, je tiendrai ferme, ferme, ferme !» Le chant des prêtres venait de temps en temps se mêler à cet épouvantable vacarme. Mais les mouvements convulsifs des pauvres maniaques n'en devenaient que plus violents. À la fin, les choses en vinrent à un tel degré de grossièreté que nous dûmes quitter la partie. Nous regagnâmes notre voiture vers 3 heures du matin et passâmes le reste de la nuit à écouter de loin le tumulte toujours croissant du Pen, car il nous fut impossible de fermer l'œil. À l'aube du jour, le son du cor nous annonça que l'assemblée se séparait et que chacun rentrait dans sa tente. Une heure après, nous nous promenions dans l'enceinte où nous trouvâmes tous nos pénitents de la nuit aussi joyeusement occupés à préparer et à dévorer leur très substantiel déjeuner que s'ils eussent passé la nuit à danser. Je reconnus là plus d'une douce brebis, pâle encore des convulsions au milieu desquelles je l'avais laissée quelques heures auparavant, assise et souriant à côté du berger à qui elle servait, avec une sollicitude caressante, du café chaud et des œufs. Le saint prédicateur et la pécheresse gémissante paraissaient apprécier avec la même sensualité cette manière de réparer leurs forces. Après m'être administré à moi-même une dose de thé, que les fatigues d'une nuit si étrangement employée m'avaient rendue très nécessaire, j'allais me promener seul dans la forêt. Je ne me souviens pas d'avoir jamais si bien senti les douceurs de la solitude et du silence. Bientôt après, nous partîmes. Mais avant notre départ, nous eûmes le plaisir d'apprendre qu'une collecte fort satisfaisante avait été faite par les prédicateurs pour la propagation de la Bible, l'impression des traités et tout autre objet relatif à la religion. « And all other religious purposes ».